Zygomar, livre 5e, par Léon Sazy. La femme rousse, deuxième partie, dans l'au-delà. Chapitre 1er, le terrible solitaire. Dans la rue de Grenelle se trouve un très vieil hôtel qui, par miracle, a échappé à la Révolution, puis aux deux fléaux modernes, la criminelle manie de l'embellissement de Paris par l'odieux alignement et la folie de la spéculation immobilière. Du parc immense qui descendait autrefois jusqu'à la Seine, il ne reste plus qu'un jardin, ombragé par quelques arbres centenaires. L'hôtel, précédé d'une vaste cour d'honneur dans laquelle les lourds et énormes carrosses de jadis pouvaient tourner à l'aise, garde de ce côté les croisées toujours fermées comme une maison vide, une maison endeuillée. Les fenêtres donnant sur le jardin seul s'entr'ouvrent le matin. La haute porte qui surmonte le perron de marbre moussu, dont les marches mènent au jardin, laisse parfois, quand un rayon de soleil vient jouer dans les feuilles, passer un homme aux cheveux blancs, qu'on devine grand et fort, mais qui marche tête penchée, épaules voûtées, et s'appuyant parfois sur une grosse canne. Sa figure massive, dure, à la peau bronzée que donne la vie en plein air, et portant des cicatrices dénotant le soldat, était coupée par une forte moustache blanche qui rejoignait la barbe aux joues, selon l'ancienne mode des vieux militaires russes. Le menton carré, très osseux, indiquait une énergie indomptable, une volonté de faire. Sous les épais sourcils blancs et broussailleux, les yeux gris-bleus brillaient étrangement, mais les paupières étaient gonflées par les veilles, et le dessous des yeux, boursouflé, révélait la fréquente présence de larmes. Cet homme était le général Sobarov, un des héros de l'armée du tsar, ancien gouverneur de Varsovie. Le général avait acheté ce vieil hôtel et l'habitait depuis 2 ans, sans jamais en sortir, sans jamais recevoir personne, dans une claustration absolue, ayant à son service 5 ou 6 domestiques seulement, et un majordome qui semblait avoir son âge et se montrer aussi dur, aussi rébarbatif que lui. Ce majordome, intendant, secrétaire, confident et quelque peu médecin, véritable maître Jacques, était un des soldats du général, qui s'était attaché à lui, et qui depuis de longues années se trouvait à son service, mêlé à sa vie. Il professait pour lui une vénération extrême, un dévouement à toute épreuve. On l'appelait simplement Ossip. C'était comme le général une sorte de colosse, et dans la mémoire des gens, il se trouvait associé au prince, dont on disait qu'il était l'âme damnée. Si le général Sobarov se tenait dans son vieil hôtel de la rue de Grenelle, sombre, enfermé, en proie à ses souvenirs qui le courbaient, là-bas, en Russie, en Pologne, à Varsovie, on ne prononçait son nom qu'avec effroi, qu'avec terreur. Les gens du peuple même, après avoir parlé du général Sobarov, faisaient une prière pour se garantir contre lui. Le nom de Sobarov voulait dire effroi, knout, Sibérie, fusillade, mort. Mais il voulait dire aussi attachement au tsar, obéissance aveugle à la discipline, maintien de l'ordre sans scrupule, le devoir impitoyable. Car partout où cet homme était passé, restaient des traces sanglantes, des souvenirs d'épouvante, et après de longues années, on pleurait encore. Lui, il allait dans la vie fort de sa conscience, certain d'avoir bien rempli sa mission, et l'âme entourée d'un triple airain qui le garantissait contre le remords. Bien souvent, la vengeance avait semé des bombes sous ses pas. Bien souvent, des revolvers avaient crépité sur son passage. Plus d'une fois, il était rentré chez lui avec un couteau, un poignard dans le corps. On l'avait relevé parmi les décombres de son bureau, arraché d'entre les morceaux de sa voiture fracassée. Son corps gardait d'innombrables cicatrices. Mais toujours, il avait échappé comme par miracle à la mort. Chaque fois, il se disait « Le ciel m'approuve donc, puisqu'il me protège ». Et il redoublait de rigueur, de sévérité, de cruauté. Cependant, il allait dans la vie, toujours seul, fuyant le monde, d'une humeur de sanglier. Il s'enfermait chez lui, et quoiqu'immensément riche, il vivait misérablement comme un moujik. Il avait de la vaisselle d'argent, d'or, et il n'aimait que les rudes plats de faïence grossière. Le cuisinier, qui le suivait partout et qu'il payait royalement, devait lui faire seulement des plats de paysans, une nourriture de soldats. Mais par contre, dans son verre grossier comme un verre d'auberge, passaient les meilleurs vins, les plus renommés champagnes, les eaux-de-vie les plus rares. Et ces liquides coulaient à flot, mais ils leur préféraient à tous la vodka, le grossier alcool du peuple, dont ils buvaient de gros cruchons dans la journée. Cependant, jamais le général ne parvenait à s'enivrer. « C'est sa punition sur terre », disaient les pauvres gens qui avaient eu affaire à lui. Maintenant, il vivait à Paris dans ce vieil hôtel. Il n'en sortait jamais, ne recevait aucune visite. Toute la journée, il se tenait dans une vaste pièce, qui était autrefois un grand salon de réception et dont il avait fait, lui, une sorte de salle d'armure qu'emplissaient uniquement des meubles se rapportant à l'art militaire, dont les murs disparaissaient sous des panoplies de sabres, d'épées, de fusils, de pistolets de toute époque, de tout pays. Au milieu de cette salle, il y avait une grosse table en bois à peine équarrie. Autour, des bancs, un grand fauteuil, en bois robuste, massif, lourd. C'était son siège préféré. Sur un coin de cette table, il mangeait. Dans ce fauteuil, il passait de longues heures à fumer, à boire, à rêver. À quoi pouvait rêver cet homme de fer? Quelle pensée devait bouillonner dans ce crâne sur lequel le casque surmonté de l'aigle à double tête avait lourdement pesé? Quels souvenirs passaient dans la mémoire de ce soldat qui avait vécu entouré de morts? Quels souvenirs effroyables, douloureux? Quels souvenirs de pitié, de terreur, mystère? Mais parfois, le général, machinalement, se dressait dans son fauteuil, et il étendait les mains comme pour repousser une vision d'épouvante. « Non, non » répétait-il, « non !» Ou bien, abattu, il se pliait sur lui-même, la tête sur la poitrine, les bras pendant de chaque côté du grand fauteuil, et il pleurait. Il pleurait lentement, longuement. Ses larmes tombaient à terre, une à une, comme de l'eau ayant du mal à sortir du rocher. Puis, tout à coup, il se redressait. Furieux, il donnait un coup de semelle de ses bottes sur la trace de ses larmes à terre. Il poussait un juron terrible, et il allait frapper à toute volée sur un gong. Aussi pas paraissait. « Vodka !» lui criait le général. Aussi pas portait peu après un plateau avec un cruchon d'eau-de-vie de grain, de cet alcool épouvantable que consomment les moujiks. À longue lampée, coup sur coup, le général en avalait de grands verres. Alors il se calmait un peu. Il allumait son cigare, descendait dans le jardin, ou s'allongeait sur un divan, qui n'était qu'une sorte de lit de camp. Un jour que le général, après son déjeuner, son café et ses verres de cognac, revenait de fumer son cigare dans le jardin, le timbre de la porte d'entrée retentit. Le général sursauta. Jamais personne ne sonnait. Il appela. « Ossip, je n'y suis pour personne !» À la porte, cependant, le serviteur faisant fonction d'huissier, de concierge, parlementait, dans un français approximatif, avec un homme jeune, très élégant, admirablement découplé, qui venait de descendre d'une auto superbe. Le concierge voulait refuser de laisser passer ce visiteur, mais celui-ci, quoique le gardien de la porte fût comme son maître un colosse, une masse humaine, le repoussa d'un revers de main, se fit passage et pénétra jusqu'au perron. Hautain, fier, en imposant aux autres domestiques accourus, il monta les quelques marches de marbre et pénétra dans le vestibule. Ossip s'avança. Avant que le visiteur eût pu dire un mot, l'intendant lui dit vivement « Le général n'y est pas. »« Le général y sera, pour moi, » répondit avec assurance le visiteur. « Je regrette, l'ordre est formel, le général ne reçoit personne, sauf moi. Impossible. Allez donc seulement lui montrer ma carte. » Le visiteur, du bout des doigts, tendit sa carte de visite au majordome. Ossip jeta machinalement un coup d'œil sur le Bristol. Aussitôt il tressaillit et sursauta. Et sans plus rien dire, vivement, comme un fou, il se précipita vers la grande salle des armures. Le général, quand il parut, leva vers lui des yeux pleins de colère. « Rien !» dit-il en apercevant la carte aux mains du majordome. « Rien ! Personne ! Jette-moi cet homme à la rue, promptement !» Mais Ossip, malgré cet ordre, n'en continua pas moins d'avancer. « Tu n'as pas compris, brute ! » cria le général. Ossip s'avança encore, présentant la carte. Le général saisit son verre et, à toute volée, le lança sur son intendant. Adroitement, Ossip, qui assurément avait l'habitude de ses amabilités, évita le projectile et poursuivit sa marche en avant. Devant la table, il s'arrêta et mit sous les yeux du général, qui prenait le pichet d'alcool pour le lui briser sur la tête, la carte du visiteur, la maintenant avec la main, pour que le général ne la repoussât point, pour qu'il fût obligé de la lire. Le stratagème réussit. Le général Sobarov fut forcé de jeter les yeux sur la carte de visite. Il lut « Prince Grigoriski ». Alors il posa le cruchon d'alcool. Il se dressa d'un bond. Puis après quelques secondes d'affolement, il retomba dans son grand fauteuil, comme si ses jambes ne pouvaient plus soutenir son énorme poids. Il se mit à trembler de tout son corps. Il répéta « Prince Grigoriski ». Ossip était allé quérir sur un meuble un autre verre, qu'il mit à la place de celui que son maître lui avait jeté à la tête, et il attendait la décision du général. Allait-il lui dire d'introduire ici le prince? Mais alors quelle scène dramatique aurait lieu? Allait-il lui commander de le repousser? Ces dernières décisions lui paraissant inutiles, imprudentes, car le prince ne semble pas être un homme à qui l'on peut refuser sa porte, parce qu'il se présentait poliment, mais de façon très autoritaire, un homme que l'on ne parviendrait pas à écarter, parce qu'il était doué d'une force exceptionnelle. Le colossal concierge en avait fait l'expérience. Mais le général ne faisait pas encore connaître sa décision. Il avait pris la carte de visite, il la tenait dans ses mains, la regardait, la relisait incessamment, comme attiré, fasciné par ces deux mots, « Prince Grigoriski ». Enfin, il rejeta la carte loin. « Non, non !» cria-t-il. Ossip s'inclina et se dirigea vers la porte pour congédier le prince. Mais brusquement, le général le rappela. « Fais entrer !» dit-il. Quand Ossip fut sorti, le général alla prendre dans une des panoplies d'armes un pistolet d'ordonnance. Il l'arma et revint se placer devant son grand fauteuil. Il attendit, l'arme à la main, l'œil fixé sur la porte.